إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، Donc nous allons commencer la première règle, Inch'Allah. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Donc la première règle, c'est que tu saches que les mécréants que combattit l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient qu'Allah ta'ala est le créateur et le commandeur, et que la reconnaissance de cela ne les fit pas entrer dans l'islam. Ceci est indiqué par la parole d'Allah, dit: qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Donc la traduction du sens du verset 31 de sourate Yunus dit: qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient lui et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront: Allah. Dit alors: ne le craignez-vous donc pas? Donc là, on voit bien que les mouchriquines, les mécréants, les associateurs, les polythéistes, eh bien, ceux que le prophète Mohammed a combattu, eh bien, ces mécréants, ces polythéistes, eh bien, reconnaissez qu'Allah, le Très-Haut, est le Créateur. Il le reconnaissait. Il ne le reniait pas. Il le reconnaissait. Pour preuve, c'est ce verset-là dans Sourate Yunus. Lorsqu'Allah Azza wa Jal ordonne à son envoyé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de dire aux associateurs, aux polythéistes: dit, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient lui et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort? Et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout? Quelle est leur réponse? Ils diront: Allah. Donc ça, ils le reconnaissent. Dit alors: ne le craignez-vous donc pas? Donc le Cheikh Salih al-Cheikh Hafidhullah donc explique donc cette première règle. القاعدة الأولى أن توحيد الربوبية لا يدخل أحدا في الإسلام. La première règle, en fait, elle stipule que le monothéisme dans la seigneurie, l'unicité dans la seigneurie, Tawhid al-Rububiyya, eh bien, ne fait rentrer personne dans l'islam. Ce n'est pas parce qu'un individu croit qu'Allah est son créateur qu'automatiquement il est musulman. On est d'accord? Donc, cette première règle-là, c'est que l'unicité dans la seigneurie, qu'Allah Azza wa Jal, il est unique en cela, et bien croire en cela ne fait rentrer personne dans l'islam. D'accord? Donc le Tawhid al-Rububiyya, le monothéisme dans la seigneurie, ne fait rentrer personne dans l'islam. Tawhid al-Rububiyya, laysa huwa al-matloub. Ce n'est pas ce qui est demandé. Ce n'est pas ce qui est demandé. On n'invite pas les gens à croire qu'Allah est le créateur. D'accord? Les gens en eux-mêmes croit qu'il y a un créateur unique au-dessus de tout. Cela, il le croit. D'accord? Donc, Tawhid al-Rububiyya, ليس هو المطلوب. فإن معرفة العرب بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرزاق وحده، وهو المحيي وحده، وهو المميت وحده، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي إليه الأمر، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي ينشأ جنات معروشات وغير معروشات، هذا كله يقرون بأن الذي سخر ذلك وخلقه هو الله جل وعلا، ومع ذلك ما نفعهم. Donc la première règle que le monothéisme dans la seigneurie eh bien ne fait rentrer personne dans l'islam. Tawhid al-Rububiyya, l'unicité dans la seigneurie, ce n'est pas ce qui est demandé, ce n'est pas ce qui est demandé. Eh bien la connaissance, ce que dit le Cheikh Salah al-Cheikh Hafidhullah, il dit la connaissance des Arabes qu'Allah le Très-Haut est le créateur et qu'il est le pourvoyeur seul. Qu'il est le seul créateur, qu'il est le seul pourvoyeur, qu'il est celui qui donne la vie seul, qui est celui qui donne la mort seul, qui est celui qui protège et qui n'a pas besoin d'être protégé. Et c'est Allah seul qui décrète tout et qui décide tout et qui commande tout. Et c'est Allah seul qui fait que la pluie tombe. Et c'est lui qui a créé des jardins triagés et non triagés. Tout cela, eh bien, les associateurs, les mécréants et les polythéistes, eh bien, savent, et donc même les Arabes de la tribu donc de Quraysh, eh bien, tous savent et acceptent et admettent que celui qui a créé tout cela et qui a donc celui qui a créé tout cela et qui fait que la pluie tombe et qui a créé donc ces jardins et qui a créé les cieux et la terre, tout cela et que celui qui commande tout et qui dirige tout c'est Allah, eh bien cela ils l'admettent. Et cela yani ils l'admettent. D'accord? Mais cela ne leur est bénéfique en rien. Le fait qu'ils admettent qu'Allah est le créateur, cela ne leur est bénéfique en rien. D'accord? Le fait qu'ils acceptent qu'Allah est le créateur, cela ne leur est bénéfique en rien. وَلَمْ يَجْعَلَهُمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى بِذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ. Malgré qu'ils acceptent tout ce que j'ai mentionné précédemment, tout ce que le Cheikh Salah al-Cheikh Hafidhullah a expliqué, eh bien, cela ne leur est bénéfique en rien. Et Allah Azza wa Jal ne fait pas de ces gens-là qui croient qu'Allah est le créateur, ne fait pas d'eux des gens de l'islam. D'accord ? قَالَ جَلَّ وَعَلَى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dans Surat Yusuf, le verset 106. Verset 106 de Surat Yusuf. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux, dans la traduction du sens du verset, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah. يَعْنِي الْإِيمَانِ بِرُبُوبِيَّتِهِ. C'est-à-dire la foi dans la seigneurie d'Allah. D'accord? La seigneurie d'Allah, ça veut dire que cela implique que c'est le seul créateur, c'est lui qui est le pourvoyeur, c'est lui qui fait ce qu'il veut. D'accord? Donc, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah, c'est-à-dire la foi dans la seigneurie d'Allah. Illa wa hum mushrikuna fi ibadatihi. D'accord? Excepté, eh bien, qu'ils associent à Allah dans l'adoration qui doit être vouée à Allah seul. D'accord? Donc ils croient, ils ont cette foi-là, cette foi ferme qu'Allah est le seul créateur. Cependant, Allah Azza wa Jal ne fait pas de ce type de gens qu'ils deviennent des gens de l'islam, qu'ils deviennent des musulmans parce qu'ils croient qu'Allah est le créateur. Premier point. Deuxième point, avec ce verset-là de Surat Yusuf, le verset 106, La plupart d'entre eux ne croient en Allah, c'est-à-dire ils ont cette croyance-là, qu'Allah est le Seigneur, le Créateur, l'unique, d'accord? L'unique Créateur. Eh bien, l'unique Créateur, le seul pourvoyeur, d'accord? Le fait qu'ils croient en cela, ça ne l'a pas, ça ne les fait pas rentrer en islam. Ils croient en cela et en plus, ce qu'ils font, c'est qu'ils associent à Allah. Donc, ils croient que Allah est le Seigneur, le seul Créateur, d'accord? Mais ils associent à Allah dans l'adoration, d'accord? C'est-à-dire qu'ils invoquent ou ils adorent autre qu'Allah. Le fait qu'ils voient un quelconque acte d'adoration à autre qu'Allah, ils deviennent polythéistes. Et donc, le fait qu'ils croient qu'Allah est le seul Créateur, cela ne leur est bénéfique en rien, d'accord? فانظروا إلى حال كفار العرب. Regardez l'état des mécréants, donc des Arabes, parmi les Arabes. مقرون بأكثر أفراد الربوبية. Ils confirment, affirment, acceptent, agréent, yani, tout ce qui concerne la seigneurie d'Allah Azzawajal. D'accord? كما قال جل وعلا كما الله عز وجل تريوادي قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. سورة يونس verset 31 dans la traduction du sens du verset dit: qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient lui et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Donc vous voyez toutes les questions qui sont dans ce verset-là. Donc qui fait tout cela? Quelle est leur réponse, ces polythéistes et ces mécréants? Ils diront Allah. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas? فسيقولون الله يعني الذي يفعل هذه الأشياء هو الله وحده. Donc ils vont dire que c'est Allah, celui qui fait tout cela, qui crée tout, qui attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient lui et la vue, qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout, eux les mécréants, les polythéistes et associateurs. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont répondre lorsque cette question-là leur est posée? Qui fait tout cela? Ils diront, c'est Allah. فَقُلَ فَلَا تَتَّقُونَ. Dis alors, ne le craignez-vous donc pas. يَعْنِي أَتَقُلُونَ ذَلِكَ وَتُقِرُّونَ بِوَحْدَنِيَّتِهِ فِي الرُّبُوبِيَّةِ فَلَا تَتَّقُونَهُ فِي عِبَادَتِهِ وَحْدَهِ. C'est-à-dire, ne le craignez-vous donc pas. C'est-à-dire, vous dites tout cela, vous acceptez que le seul créateur c'est Allah. Vous acceptez que le seul qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient lui et la vue, qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, qui administre tout. Vous acceptez cela, que c'est Allah seul. Vous acceptez tout cela, que c'est Allah seul qui fait tout cela. Et vous ne le craignez-vous donc pas alors dans l'adoration qui doit lui être vouée seule et exclusivement? Yani, si vous savez tout cela, pourquoi alors vouez-vous un acte d'adoration à autre que lui, subhanahu wa ta'ala? Donc il dit le shir, فَلَا تَتَّقُونَهُ فِي عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ. Ne le craignez-vous donc pas dans son adoration seule? وَتَرْكَ الْإِشْرَاكْ بِهِ. Ne le craignez-vous donc pas dans son adoration seule? Ne le craignez-vous donc pas dans le fait de délaisser l'association que vous pratiquez, l'association à Allah Azzawajal? فَأَقَامَ عَلَيْهِمُ الْحُجَّ بِمَا أَقَرُّوا بِهِ عَلَى مَا أَنْكَرُوهُ. Donc par cela, il aura apporté la preuve. C'est-à-dire que... Il aura apporté la preuve sur ce que eux ils ont admis, sur ce que eux ils ont accepté. D'accord? Il aura montré que vous acceptez et vous croyez qu'Allah est le seul créateur. Mais vous ne le craignez pas dans le fait que vous lui associez des choses. Et vous ne le craignez pas dans le fait que vous adorez en dehors d'Allah, Azzawajal, d'autres choses. Donc il leur a apporté la preuve sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont accepté. Le seul qui fait tout cela, le seul créateur et l'unique, c'est Allah. D'accord ? Voilà comment il leur a apporté la preuve. Et cela, c'est la façon comment est le Qur'an dans le fait d'apporter la preuve aux polythéistes et associateurs. En effet, on lit dans le Coran, plusieurs fois on lit que Allah Azzawajal est le seul créateur, que Allah Azzawajal c'est lui qui fait ce qu'il veut, c'est lui qui détient lui, la vue, qui fait sortir le vivant du mort, fait sortir le mort du vivant, qui administre tout, qui fait ce qu'il veut. On le lit plusieurs fois dans le Coran. Le fait qu'on le lit plusieurs fois dans le Coran, ce n'est pas pour essayer de convaincre les mouchriquines et les kuffars, les associateurs et les mécréants, ce n'est pas pour les convaincre qu'Allah est le seul créateur. Ce n'est pas ça qui est voulu. Mais ce qui est voulu, c'est de leur apporter la preuve. De leur rappeler que vous croyez que c'est le seul créateur. Eh bien, vous devez alors lui vouer tout acte d'adoration. Il est interdit donc de vouer un quelconque acte d'adoration à autre que le seul créateur. Puisque comme on avait vu, l'unique créateur c'est Allah. Et en dehors d'Allah, c'est créatures. C'est que des créatures en dehors d'Allah. Et donc, c'est cela la façon comment est la parole d'Allah Azzawajal, le Qur'an. C'est-à-dire la façon d'apporter la preuve. La façon d'apporter la preuve, aux polythéistes et aux mécréants. Eux, ils acceptent qu'Allah est le seul créateur. Eh bien, en leur rappelant cela, que vous croyez en cela, eh bien cela c'est pour les mener à ce qu'ils se désavouent de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et qu'ils se mettent à craindre Allah et à unifier Allah dans l'adoration. D'accord ? Donc le fait qu'on lit qu'Allah est le créateur dans le Coran, ce n'est pas pour convaincre les mouchriquines qu'Allah est le créateur. Parce que cela, ils le savent. Ils le savent. On peut parler avec n'importe qui. N'importe quel associateur et polythéiste sait qu'Allah est l'unique créateur. L'unique créateur. Donc, cela c'est pour en fait les amener à quoi? Eh bien, vous croyez en cela? Vous affirmez cela? Cela c'est pour les amener, eh bien, à craindre Allah et qu'ils se mettent à délaisser tout acte de polythéisme et d'associationnisme et que vous acceptez cela, alors c'est à Allah que vous devez vouer tout acte d'adoration. D'accord ? C'est de cette façon-là comment le Coran, eh bien, apporte la preuve aux associateurs et aux mécréants. Vous voyez ? فَإِنَّ مِنْ بَرَاهِينَ التَّوْحِيدِ تَوْحِيدَ الْعِبَادَ أَنْ تُقَامَ الْحُجَّةَ بِتَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةَ. Donc c'est ce que j'expliquais, ce que dit le Cheikh Salah al-Sheikh. Il dit, on apporte la preuve, eh bien, comment en fait on invite les gens là, que ce soit les mécréants, les associateurs, etc., au tawhid al-ibada, tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire à l'unicité dans l'adoration, c'est-à-dire qu'on adore et qu'on ne voue tout acte d'adoration qu'à Allah seul, eh bien, en apportant les preuves en rappelant aux gens que vous admettez qu'Allah est le seul créateur, qu'il y a un seul créateur, et bien donc vous devez vouer tout acte d'adoration au seul créateur. Les créatures ne méritent rien d'adoration. لِأَنَّ مَنْ كَانَ هُوَ الْفَاعِلُ وَحْدَهُ يعني هُوَ الْخَالِقُ وَحْدَهُ هُوَ الرَّزَّاقُ وَحْدَهُ إِلَى آخِرَ أَفْرَادِ الرُّبُوبِيَّةِ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ دُونَ مَا سِوَاهُ. Donc, sachant que vous admettez que c'est le seul créateur, que c'est le seul pourvoyeur, d'accord, etc. Et en mentionnant tout ce qui concerne la seigneurie, vous acceptez cela? Eh bien alors, sachez que le seul qui mérite l'adoration en toute vérité, eh bien c'est Allah seul, parce que c'est le seul créateur, le seul qui fait tout cela, qui peut faire tout cela, et qui peut faire ce qu'il veut. ولهذا قال سبحانه منكرا على المشركين أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. Dans Sourate Al-A'raf, verset 59. Donc Allah Azza wa Jal, donc Allah Azza wa Jal, attendez. Donc il dit le Cheikh Salah al-Sheikh, il dit, c'est pour cela que Allah le Très-Haut, eh bien, a mentionné concernant les associateurs et les polythéistes, eh bien, il a renié, yarni leurs paroles, dans le fait que, et dans leurs actes, dans le fait qu'ils vouent des actes d'adoration à autre qu'Allah. Le fait qu'ils associent à Allah. Allah Azza wa Jalla a dit Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Est-ce qu'ils associent à Allah? Ils associent à Allah. Qu'est-ce qu'ils associent à Allah? Ce qui ne peut rien créer alors qu'ils sont créés. Vous voyez? Ce qui ne peut rien créer. Ils associent à Allah ce qui ne peut rien créer alors qu'eux-mêmes sont créés. D'accord? وقال سبحانه et Allah le Très-Haut a dit قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Et Allah Azza wa Jalla a dit louange à Allah et que le salut soit sur ses serviteurs. Est-ce Allah qui est mieux ou bien ce qu'ils lui associent? ووصف الذين جعلهم المشركون آلهة بأنهم عاجزون وليس لهم قدرة وليس لهم خلق وليس لهم صفات تجعل أولئك يتوجهون إليه. Donc Allah Azza wa Jal a décrit ceux que les associateurs ont pris comme divinité. D'accord? Ces divinités-là, Allah Azza wa Jal les a décrits comme, eh bien, ce sont des choses, parce que ce sont des créatures, eh bien, qui ne peuvent rien faire et qui n'ont aucun pouvoir. Et qui ne peuvent créer rien du tout. Et qu'ils n'ont donc aucune, et qu'ils n'ont donc aucun attribut qui fait qu'un individu puisse se tourner vers ces choses-là et vers ces créatures-là. Ils ne peuvent ni créer, ni avoir un pouvoir sur quoi que ce soit, ni faire quoi que ce soit. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils ne peuvent rien contrôler. Et ils ne peuvent rien créer. Allah Azza wa Jal les a décrits comme n'ayant pas ces attributs-là. Ils n'ont pas d'attributs de la création qu'ils peuvent créer. Ils ne peuvent rien créer. D'accord? Ils ne peuvent rien faire, excepté ce qu'Allah Azza wa Jal veut. Et donc ces divinités-là, parce que les gens les adorent, mais ce sont des fausses divinités, parce qu'elles ne méritent en rien l'adoration, eh bien, elles n'ont aucun attribut qui fait que quelqu'un puisse se tourner vers ces divinités-là et les adorer. D'accord? Donc elles ne peuvent ni créer, ni avoir une quelconque puissance ou quoi que ce soit. Allah Azza wa Jal dit وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. Donc, ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Hajj, verset 73. Voyez comment Allah Azza wa Jal montre l'état de ces fausses divinités-là. Dans le verset 73 de Sourate Al-Hajj, dans la traduction du sens du verset, et si la mouche les dépouillait de quelque chose, il ne saurait le lui reprendre. Subhanallah. Et si la mouche les dépouiller de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas ce pouvoir-là. Si une mouche leur prend quoi que ce soit, ils ne pourront même pas reprendre cela de cette mouche-là. Ils n'ont aucun pouvoir. Donc, ils n'ont aucun. Ils ne peuvent ni créer, mais ils sont créés. Ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucun attribut qui fait qu'ils méritent un quelconque acte d'adoration. D'accord ? هذا مثل الذي توجهوا إليهم بالعبادة وإقرار المشركين بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام. Donc il dit le cheikh, ceci est un exemple pour yani adressé à ses associateurs et polythéistes pour qu'ils se remettent en question et qu'ils méditent un peu. Déjà, si cette chose-là qu'ils sont en train d'adorer, cette créature-là qu'ils sont en train d'adorer, que ce soit une statue, une pierre, un arbre, un prophète, etc. Peu importe la créature. D'accord ? Parce qu'en dehors d'Allah, tout est créature. Eh bien, ces créatures-là, regardez l'exemple qu'Allah Azzawajal leur apporte, que même si une mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Y a-t-il quelqu'un qui arrive déjà à... Déjà, parfois, on a du mal de essayer de faire sortir une mouche de je sais pas, d'une chambre en ouvrant la fenêtre ou quoi que ce soit. Subhanallah. Alors, qu'en est-il que si cette mouche-là est réussie à te prendre quelque chose et que tu n'arriverais même pas à lui reprendre? Déjà, si tu n'arrives même pas à l'atteindre, alors, subhanallah. Donc, vous savez cela? Pourquoi alors vouez-vous un quelconque acte d'adoration à une créature qui n'a même pas de pouvoir, qui ne mérite en rien l'adoration? D'accord ? Et c'est pour cela que le Cheikh Sarah et le Cheikh Hafidhullah, il dit, donc le fait que les associateurs, les polythéistes et les mécréants attestent et témoignent de l'unicité de la seigneurie Tawhid al-Rububiyya, qu'Allah Azzawajal c'est le seul créateur, ils attestent que le seul créateur c'est Allah, que le seul qui peut faire ce qu'il veut c'est Allah, que le seul pourvoyeur c'est Allah. Le fait qu'ils attestent cela, eh bien cela ne les fait pas rentrer dans l'islam. نستنتج من ذلك أن إقرار من بعدهم بالربوبية لا يعني أنهم مؤمنون. On tire de cela que le fait que, eh bien, certains parmi ces associateurs ou ces polythéistes, le fait qu'ils acceptent qu'Allah est le seul créateur, yani tout ce qui est attrait donc au monothéisme dans la seigneurie, que Allah c'est le seul créateur, le seul pourvoyeur, eh bien cela ne signifie pas qu'ils sont des croyants. Et ça c'est une erreur que beaucoup font. Ils pensent que parce qu'ils croient qu'Allah est le créateur, donc automatiquement c'est un croyant. D'accord ? Donc le fait qu'ils croient en la seigneurie d'Allah le Très-Haut, qu'Allah c'est le seul créateur, cela ne signifie pas qu'ils sont des croyants. فَإِذَا أَتَ آتٍ وَقَالْ أَنَا مُؤْمِنْ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّبِّ وَهُوَ الْخَالِقِ هُوَ رَبِّي وهو الذي يرزقني وهو الذي أحياني وهو الذي يميتني هذا لا يعد مؤمنا الإيمان الشرعي يعني لا يعد مسلما حتى يأتي بالتوحيد. Et donc le Cheikh Salah et le Cheikh Hafidhullah il dit, si quelqu'un vient et dit, eh bien je crois qu'Allah est mon Seigneur, je crois qu'Allah est le Créateur, c'est mon Seigneur, qu'Allah est le Seigneur, c'est mon Seigneur, c'est le Créateur, c'est lui qui me donne la subsistance, c'est lui qui me donne la vie, c'est lui qui me donne la mort. Eh bien, celui qui dit cela, eh bien, n'est pas considéré comme étant un croyant en ayant la foi selon la législation d'Allah le Très-Haut. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des musulmans jusqu'à ce qu'ils viennent avec le pur monothéisme d'Allah dans l'adoration. ولهذا غلط المتكلمون حينما عرفوا الإله بأنه القادر على الاختراع. قالوا الإله هو القادر على الاختراع. Subhanallah. Il disait pour ça que il y en a ceux qui parlent qui se sont trompés lorsqu'ils viennent et qu'ils disent qu'ils reconnaissent que l'Ilah, eh bien, c'est celui qui a le pouvoir, eh bien, d'inventer. Eh bien, eux, ils pensent que l'ilah, c'est ça, que c'est cela que cela signifie. Alors que nous avons vu que l'ilah, ça ne signifie pas que ça veut dire que c'est le créateur, c'est pas ça l'ilah. On avait dit que ilaha, c'est un synonyme de abada. C'est-à-dire que c'est un synonyme de l'adoration. Le ilah, lorsqu'on dit la ilah, ça veut dire que le ilah, ça veut pas dire que c'est le créateur. D'accord? Le ilah, la divinité, c'est ce qui est adoré en vérité et ce qui est adoré avec fausseté. D'accord? Ce qui est adoré avec fausseté, c'est, eh bien, c'est ce que les gens ont pris comme divinité en dehors d'Allah. Ce sont des fausses divinités. Ce sont toutes des créatures. Elles ne méritent en rien l'adoration. D'accord? Alors qu'Allah est le seul qui mérite en toute vérité l'adoration. C'est l'unique créateur. Ilah, ça ne veut pas dire créateur. D'accord? C'est ce qui est adoré. D'accord? Mais les gens se sont trompés lorsqu'ils viennent et qu'ils pensent que l'ilah, c'est, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui qui a le pouvoir d'inventer. فَعِنْدَهُمْ مَعْنَى لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ رَاجِعِ الرُّبُوبِيَّةِ. C'est-à-dire que eux, ils pensent que la ilaha illallah, eh bien cela, ce n'est pas dans l'adoration, mais c'est dans la seigneurie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun créateur excepté Allah. C'est ce qu'ils croient. Ils croient que la ilaha illallah, c'est de croire que yani, il n'y a aucun créateur excepté Allah. Et ça, c'est une mauvaise compréhension que l'on trouve notamment dans le groupe innové de Jamaat al-Tablir, ce groupe égaré qui enseigne aux gens que la ilaha illallah, c'est d'enlever la mauvaise certitude et la remplacer par la bonne et de croire qu'Allah, avec sincérité, qu'Allah est le seul créateur. D'accord? Eh bien, croire cela, c'est une énorme erreur dans la croyance. Énorme erreur dans la croyance. Car si croire qu'Allah est le seul créateur, ça fait de toi un musulman, eh bien c'est dire que les polythéistes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu, de la tribu de Quraysh, qui croyaient qu'Allah était le seul créateur, eh bien c'est dire qu'ils étaient musulmans, et donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus avec injustice. A'oudhu billah. Vous voyez l'énorme erreur dans la aqida. Donc, ceux qui croient que la ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a de créateur excepté Allah, ceci n'est pas correct. D'accord? Ceci n'est pas correct. Et ça, c'est la plus grande erreur que l'individu peut faire sur la religion d'Islam. موجب للأشياء والخالق لها هو الله فإنه يكون عندهم مؤمنا مسلما وهذا غير معنى الألوهية. Et donc il dit, le cheikh Salah le cheikh Hafidhullah, il dit, ça c'est l'énorme erreur qu'ont fait ceux qui viennent et qui parlent comme ça. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il pense que celui qu'il dit que le seul créateur de toutes choses, le seul qui peut faire ce qu'il veut, eh bien, celui qui dit que c'est Allah, eh bien, il le considère comme étant un croyant et comme étant un musulman. Et cela, ce n'est pas le sens de l'unicité dans, de l'unicité dans l'adoration. L'individu n'est pas musulman s'il ne se tient qu'au fait de croire qu'Allah est le seul créateur. D'accord? Donc ça, c'est l'énorme erreur, hein, comme disait le cheikh, Salah al-Sheikh Hafidhullah, qu'ont énormément de personnes. En considérant que celui qu'il dit que le seul créateur, c'est Allah, et que le seul qui peut faire ce qu'il veut, c'est Allah, eh bien, il le considère comme étant un croyant, un musulman. Et cela, donc, ce n'est pas le sens de l'adoration. لِأَنَّ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ مَعْنَاهَا لَا مَعْبُودْ حَقِّ إِلَّا اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. Parce que لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ signifie nul n'est digne d'adoration en toute vérité, excepté Allah, le Très-Haut. Donc le sens de la ilaha illallah réfère à l'adoration et non à la seigneurie. إذن مراد الشيخ من هذه القاعدة المهمة اليقينية بأن هذه القاعدة يقينية من حال الكفار وحال المشركين بأنهم مقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام ولم يجعل لهم حقا لأنهم أشركوا مع الله جل وعلا آلهة أخرى وعبدوا آلهتهم الباطلة وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. Donc il dit le Cheikh Sarah al Cheikh Hafidhullah, il dit. Donc ce que veut donc le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, donc dans cette risale là, que sont les quatre règles, dans cette première règle là qui est très importante, c'est de montrer l'état des mécréants et l'état des associateurs. Du fait qu'ils croient et attestent, ils croient donc à l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Mais cela ne leur est bénéfique en rien, et cela ne leur fait pas rentrer dans l'islam, et cela ne leur donne aucun droit, parce qu'ils ont associé à Allah le Très-Haut d'autres divinités, et ils ont adoré leur divinité, leur fausse divinité. Et ils ont dit, réduira-t-il les divinités à un seul, comme dans la traduction du sens du verset 5 de Sourate Sad. فَإِذَا نَظَرْنَا فِي هَذَا الزَّمَانِ وَفِي زَمَانِ الشَّيْخِ وَمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ فِي أَنَّ هُنَاكَ مَنْ يُوقِنْ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَلَكِنَّهُ يُشْرِكْ بِالْعِبَادَةِ. Donc, si nous voyons dans ce temps-là, et dans le temps du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, et bien avant son temps, et après, sur le fait que il y en a qui ont la ferme certitude concernant la seigneurie d'Allah. Mais cependant, ils associent à Allah dans l'adoration. فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُ. Eh bien, cela ne lui est bénéfique en rien. كحال الأولين, comme l'état des premiers. لأن القاعدة, parce que cette règle, أن مشرك العرب كانوا يقينون بالربوبية, parce que les associateurs parmi les Arabes, yani de la tribu de Quraysh, eh bien, eux affirmaient la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Ils ne l'ont jamais renié. واليوم قد يأتي على بعض النفوس ضعف. Et aujourd'hui, regardez ce que dit le Cheikh Sarah et le Cheikh Hafidhullah. Il dit, et aujourd'hui, il y a une certaine faiblesse qui peut arriver donc chez certains forts intérieurs de certains individus. إذا سمع من يقول إن شاء الله أو سمع من يذكر الله جل وعلا أو يقول عن الله هو ربه وهو مولاه أو نحو ذلك ظنه مسلما. Vous voyez comment ceux qui sont faibles, lorsqu'ils entendent quelqu'un dire Inch'Allah, ou bien qu'ils entendent quelqu'un dire qui est en train de mentionner Allah, le Très-Haut, ou bien qu'ils entendent quelqu'un dire, eh bien, qu'Allah, c'est son Seigneur. Ils entendent quelqu'un mentionner Allah, ou bien dire que Allah, c'est son Seigneur. D'accord? Ou bien dire, Inch'Allah, ils entendent de quelqu'un qui dit Inch'Allah. Eh bien, ils pensent, parce qu'il a dit cela, que cet individu-là qui a prononcé cela, eh bien, c'est un musulman. وَقَنِعَ مِنْهُ ذَلِ بِذَلِكَ. Donc il a été convaincu par cela parce qu'il a dit ces paroles. وَهَذَا لَمْ يَقَعْ بِهِ الْإِبْتِلَاءَ أَصْلًا بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُنْ مُوَحِدًا فِي عِبَادَتِهِ. Cela ne lui est bénéfique en rien, celui qui prononce cela. Il faut que l'individu soit un pur monothéiste dans l'adoration qu'il voue à Allah le Très-Haut. Donc il peut dire Inch'Allah s'il veut. Il y a même des égarés et des pervers qu'ils mettent et ils font, de, je sais pas moi, ils mettent même dans leur musique avec des paroles Inch'Allah. Et puis les gens ils croient, oh, ils disent Inch'Allah. Donc quoi? Donc ça fait pas de lui un musulman, c'est pas parce qu'il dit Inch'Allah. Ou bien si un kafir il te dit Inch'Allah, quoi, faut pas croire que c'est un musulman. Il restera un kafir tant qu'il n'adore pas Allah Azzawajal, tant qu'il unifie pas Allah Azzawajal dans l'adoration. Ce n'est pas parce qu'un individu dit Allah, ou bien mentionne Allah, ou bien dit Allahu Akbar, ou bien yani, dit les choses comme ça, ou bien il mentionne qu'il parle sur Allah, ou qu'il dit que Allah c'est son Seigneur, que automatiquement c'est un musulman. Faut pas être trompé par cela. D'accord? L'individu n'est musulman que s'il unifie Allah Azzawajal dans l'adoration. Il adore Allah, et en adorant Allah, il n'adore qu'Allah. Uniquement Allah. Il n'adore rien d'autre en dehors d'Allah. Yani ya'bud Allah bima ja'a bihi al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il adore Allah, mais il adore Allah avec la législation avec laquelle est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mutabarri'an wa yakun mutabarri'an khalisan min ash-shirk wa ahli. Vous voyez ce que dit le cheikh ici à la fin de cette première règle? Il dit que l'individu n'est considéré que musulman que s'il adore Allah en lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire n'adorant que sincèrement et uniquement Allah le Très-Haut, en adorant Allah, voilà, barakallahu en adorant Allah, donc il doit adorer uniquement Allah, exclusivement Allah, sincèrement et uniquement Allah, sans remettre qu'en Allah, n'invoquer qu'Allah, rechercher le secours et l'aide que d'Allah, placer sa confiance qu'en Allah, craindre Allah au-dessus de tout, aimer Allah au-dessus de tout, ressentir la crainte pieuse et l'humilité qu'envers Allah Azzawajal. D'accord? Toutes les actes d'adoration ne doivent être voués qu'à Allah. Et il doit adorer Allah uniquement avec la législation avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en se désavouant sincèrement de l'association et de ses gens. Tout en se désavouant sincèrement du polythéisme, de l'associationnisme et de ses gens. D'accord? Donc ça, c'est ce qui fait que l'individu est un musulman. Il adore Allah sincèrement et uniquement Allah. Il adore Allah avec la législation avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il adore Allah en se désavouant de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il adore Allah en se désavouant de l'associationnisme et du polythéisme et de ses gens. Donc ça, c'était la première règle. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Comme ça, Inch'Allah, la semaine prochaine, bi'idhnillah, on commencera, Inch'Allah, la deuxième règle. Barakallahu fikum. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.